soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, un tour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 23 avril 2026. Démo des sons sensibles, émission spéciale culture paysanne en radio ou agriculture paysanne en radio. C'est un partenariat à l'honneur aujourd'hui et semaine prochaine d'ailleurs, donc sorte de préambule et avant-goût durant ce programme aujourd'hui de ce partenariat qui va se tenir du 27 avril au 3 mai dans le cadre du festival ou de l'événement du printemps de l'agriculture paysanne qui a commencé en mars dernier, qui va se prolonger jusqu'au mois de juin prochain. Et nos deux radios associatives en Loire-Sud, à savoir Dio et Radio Andena Firmini, vont et sont partenaires de ce printemps de l'agriculture paysanne et sont depuis maintenant de nombreuses années sensibles aux enjeux écologiques et agricoles. Et ces deux radios associatives en Loire-Sud vont donc vous proposer une semaine d'antenne dédiée toute la semaine prochaine sur les créneaux de ce Mag Info du 895 de Dio, à savoir le créneau du matin 8h, pause méridienne 12-13h et le soir à 19h, des émissions spéciales, des productions en partenariat donc qui vont vous être proposées toute cette semaine prochaine. Pour parler de cet événement aujourd'hui, pour le décliner, voire l'étoffer, puisque cet événement, je vous l'ai annoncé, est un événement qui s'étale sur plusieurs mois, depuis le 6 mars dernier jusqu'à juin prochain, en ateliers, débats, rencontres et autres fêtes proposées. Deux invités aujourd'hui, qui sont bien pour le moins à la fois co-organisateurs ou très étroitement associés et partenaires de l'événement. Au micro et en studio sont avec nous aujourd'hui Nicolas Clair, bonjour. Bonjour. Nicolas, tu peux placer le micro tranquillement et beaucoup plus confort face... Oui, voilà, tout à fait, super. Merci Nicolas d'être avec nous parce que je sais que ce n'est pas une saison évidente. Ah oui, c'est le rush là. Pour les agriculteurs, agricultrices, qui justement est ton activité principale. On va se tutoyer, ça sera plus simple durant cette émission. Quel secteur justement, quel métier, quelle filière? Moi, c'est fourrage, céréales, culture légumière et poules pondeuses et un petit peu de vache. Donc un peu d'élevage. Pour Nicolas Clair, alors justement aussi, autre casquette, si je puis dire, c'est un mandat que tu occupes. Oui, je suis membre et porte-parole de la Confédération Paysanne de la Loire. Absolument. Et c'est aussi à ce titre-là que vous participez, co-participez ou êtes associé à cet événement. Et puis plein d'actualités que l'on va tenter aussi de décortiquer et d'explorer ou d'expliquer ici pour cette émission spéciale. Merci encore d'être avec nous malgré cet agenda très chargé pour le secteur. Et puis à tes côtés, Jean-Pierre Mousset qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et bienvenue également sur le 895, membre, cette fois, des Amis du Treuil, qui co-organisent cet événement. Exactement, Vers de Terre et les Amis du Treuil donc co-organisent le Printemps de l'Agriculture Paysanne. Et oui, parce que à tes côtés ou à vos côtés, l'association Vers de Terre co-organise cet événement qui lui organise justement le salon tous les deux ans, le salon Vers de Terre de l'Agriculture Paysanne justement. Merci encore d'être avec nous. On va donc parler agriculture paysanne durant cette émission aujourd'hui, avec plein d'actualités et vraiment de nombreux points à aborder ensemble. On va tenter d'en faire un petit tour d'horizon le plus exhaustif possible et le plus précis possible, souhaitons-le. On va faire au mieux. Nous allons débuter cette émission en musique néanmoins avec notre règle d'or, celle de vous proposer nos découvertes, partenariats, albums chaque semaine avec notre fédération nationale, la FERAROC, la Fédération des radios musiques actuelles ou rock de France, qui vous propose chaque semaine double album partenaire et découverte. C'est le cas cette semaine aux côtés de Da Brother, le personnage principal que je vous ai déjà fait découvrir en début de semaine. L'autre proposition également est autour de ce projet qui nous vient de Lyon, donc en banlieue stéphanoise. Il s'agit du trio Ultramoule, qui est de retour, toujours aussi excentrique et radical, emmené par Juste Baguet, Sarah MC, Marie Caparos. Donc on est en violon, violon électrique, violoncelle électrique, autre boîte à rythme bien sûr, et voix qui anime et porte bien sûr ce projet Ultramoule, un album intitulé Gros Gâteau, signé sur le label Jarring FX, le label lyonnais. L'album va sortir très prochainement, puisque c'est une sortie prévue le 29 avril prochain. Voilà pour Ultramoule et Gros Gâteau, dont je vous ai extrait un titre qui me semblait bienvenu pour aussi illustrer cet album, et qui a fait l'objet d'ailleurs un peu d'un clip et de comme ça mise en avant un peu particulière peut-être pour ce titre qui s'intitule Patriarpitalisme. Voilà, c'est un sorte de titre assez jubilatoire, assez frontal. Vous imaginez bien qu'il manque le capitalisme, patriarcat, capitalisme. Et oui, bien sûr, pour mettre en lumière l'imbrication du patriarcat et du capitalisme, deux systèmes qui s'alimentent mutuellement et structurent des rapports de domination profondément ancrés. Tout y passe, exploitation des corps, violence, bref, tout est dit sans détour au travers de ce titre que je vous propose donc de découvrir. Ultramoule sur 895 de Dio, des mots, des sons sensibles. C'est parti. J'ai mal, des crampes intestinales. Excréta, excréta, papa, j'ai peur, papa. Trop peur de faire du caca, du patriarcat, capitalisme. Vous avez la popatophobie, il faut libéraliser les flux. C'est ce que le doc m'a dit, je lui ai dit ciao phallus. Sur sa veste, il cachait une tache de guano. Chiasser le naturel, il revient de son boyau. On n'en veut pas. Elle obstrue nos transits et domine au pognon. Capitale des patrons, capitole des traditions. Capitaine des troufions, caporal de destruction. Médaille du bronze attribuée à tous, oh oui. Car c'est l'Amérique rock, acide pourri. On en a plein le colon. On veut pas du capitalisme et du patriarcat, mais sans doute de l'Ultramoule et de Gros Gâteau. Cet album à sortir le 29 avril. Et si vous, justement, vous souhaitez disposer de cet album en sortie prochaine via le label Jarring FX, n'hésitez pas à nous contacter. Ça se passe au bout du clic, comme habitude, redac@radiodio.org pour un album disponible en jeu concours et donc à gagner sur Dio. Ultramoule, donc, et cet album Gros Gâteau en découverte partenariat Ferrarock cette semaine. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à vous connecter bien sûr sur le site dédié ferrarock.org. C'est aussi tout un travail de connexion, bien sûr, dans ce monde si connecté, numérique et dématérialisé. Mais l'album est bel et bien physique, hein, à gagner d'ailleurs, bref, et à découvrir. Ultramoule, Gros Gâteau, en sortie le 29 avril chez Jarin FX. L'autre proposition, c'est une signature du label Floral Records, Kiwi Records, sortie le 3 avril dernier. Le personnage principal, c'est signé Dab Roser. Vous aurez l'occasion de découvrir tout cela donc via la toile ferrarock.org ou en écoutant, bien sûr, le programme mutualisé et collectif Dig Dig Diggers. Émission spéciale avec interview des artistes et écoute, ainsi que au-delà de Dab Roser et Ultramoule, une découverte et une interview de Taïga et Run Rabbit Run par Radioactive de Saint-Brieuc en Bretagne. Dig Dig Diggers sur la Ferrarock et sur Dio, c'est bien sûr chaque jeudi 19h, vendredi 12h et lundi en matinale 8h. Avant quelques premières infos à vous faire part dans ce programme, je vais me permettre peut-être une petite digression ou transition finalement avec Ultramoule que l'on vient d'écouter à l'instant. C'est peut-être un peu capillotracté comme l'on dit, mais bien voilà, de la moule à, et donc la mer à la terre, ça me permettait juste de parler peut-être mytiliculture, pourquoi pas. Nicolas Clerc, vous qui êtes éleveur, toi qui es éleveur, d'autres comme Jean-François Périnier, que tu connais peut-être, est éleveur de moules, secrétaire national de la Confédération paysanne. Et bien, il a rappelé dans un, et il rappelle d'ailleurs dans un article qui figure dans le nouveau numéro de Silence, la revue de l'écologie, des alternatives et de la non-violence, qui vient de sortir et est donc disponible pour ce mois de mai 2026, et rappelle que toutes les activités humaines sur Terre ont une influence directe sur l'océan et les activités maritimes. Et donc, il s'attache à faire comme ça et à construire les liens entre paysans, paysannes de la terre et de la mer. Un entretien très instructif que je vous propose de retrouver pour cette rencontre avec ce paysan de la mer dans cette revue Silence. Voilà, je voulais juste faire la petite transition entre la musique que l'on vient d'écouter et le sujet qui va nous accompagner durant cette émission aujourd'hui. Il est d'ailleurs aussi rappelé dans cet article et dans ce numéro qui porte essentiellement sur les extractions minières, mais d'autres dossiers, d'autres points abordés. Et c'est le cas de l'eau, dont on va parler aussi, parce que vous êtes tous deux d'ailleurs initiateurs du collectif Partageau sur le département de la Loire. Et peut-être avez-vous déjà découvert et parcouru cet ouvrage de Fabrice Nicolino, qui est paru aux éditions Les Liens qui Libèrent, c'est l'eau qu'on assassine. Est-ce que cela vous dit quelque chose, Jean-Pierre et Nicolas ? Vos micros sont ouverts, hein, donc vous pouvez alors bien sûr... Alors moi, j'ai pas lu cet ouvrage-là, mais je connais bien sûr l'œuvre de Nicolino, ouais. Qui a longtemps sévi dans le Canard Enchaîné notamment, et puis il a créé l'association Nous Voulons des Coquelicots, et il a une démarche très très présente, notamment sur la lutte contre les pesticides. Absolument, qui est à l'origine aussi d'ailleurs de la semaine ou de la quinzaine contre les pesticides qui a lieu chaque année. Et ben, en tout cas, voilà, je vous renvoie vers cet ouvrage, C'est l'eau qu'on assassine, Fabrice Nicolino, paru en 2025, donc c'était l'année dernière, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et puis on reparlera du collectif Partageau, bien sûr, et de l'actualité vous concernant, avec peut-être bien d'ailleurs aussi, vous nous l'annoncerez peut-être durant ce programme, un prochain et nouveau forum départemental qui se tient alors maintenant depuis quoi ? Trois éditions Depuis 2023. Depuis le 23, à l'automne de chaque année. On va aller commencer très rapidement ce programme avec plein d'infos dont je voulais vous faire part avant d'entamer le sujet du jour. En effet, nous sommes jeudi, on a la veille de ce grand week-end qui approche, et ça va être le cas pour de nombreux week-ends prolongés de mai prochain. Il y a vraiment plein de choses prévues, alors j'ai dû faire une petite sélection, bon nombre de propositions, et on va en profiter d'ailleurs en laissant en fond sonore, pour poursuivre ce programme, Tamagawa, qui est un artiste stéphanois que l'on suit depuis de nombreuses années maintenant, on va dire ainsi, et qui sera en concert ce 24 avril, du côté du 17. à Saint-Étienne pour le retour sur scène de son projet Grand Espace, ou Grands Espaces plutôt, en duo avec Xavier Méon, forme de duo, mais qui sera même ce 24 avril en formation trio pour une musique toujours comme ça très ambiante à la croisée entre les Spacemen et les Poetic Lovers, pour ouvrir pour Yoke, qui est un projet originaire de Chambéry, qui propose là aussi un paysage musical, sonore, organique, rempli de drones et autres ambiances comme ça très particulières, une texture très particulière. C'est donc ce 24 avril au 17 rue de la Mulatière à partir de 20h30. Tamagawa, grands espaces musical et sonore, qui va donc nous accompagner en instrumental sur ce programme. Il va nous accompagner avec son projet qu'il a sorti l'an dernier, d'Est en Ouest, justement, qui a fait l'objet d'un livre-disque magnifique. Si vous ne l'avez pas déjà entre les mains ou les oreilles, on poursuit avec un vernissage, une exposition. C'est Deloupi qui jette l'encre à la médiathèque. C'est un vernissage qui a lieu aujourd'hui, ce 23 avril, à la médiathèque de Tarentaise. Mais c'est une expo qui va être installée jusqu'au 23 mai prochain. 25 ans de bandes dessinées, d'illustrations et de dessins à parcourir le monde et à dessiner pour le comprendre. Et c'est à l'occasion de la publication du carnet de synthé que Deloupi donc fait aussi un peu cette proposition d'exposition de planches originales, croquis, recherches graphiques et affiches. Voilà, jusqu'au 23 mai, vernissage ce jour à partir de 18h, donc à la médiathèque de Tarentaise. Puisqu'on parle à la fois de graphisme, mais pas seulement, mais un beau graphique pour ce salon des éditeurs. On va parler de livres. Une trentaine d'éditeurs indépendants en littérature de tout genre, bande dessinée, poésie, journaux, revues. C'est le salon des éditeurs, c'est 25 et 26 avril dans la gueule du livre. Et ça se passe à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h. Un partenariat cette semaine, duo du côté encore une fois de Tarentaise, mais surtout du côté ou avec la Laverie, qui est installée sur ce quartier durant 5 jours, qui fête ses 10 ans, vous le savez, hein, cette année. Il y a eu déjà une préouverture d'anniversaire en début d'année, un pré-événement durant les vacances dites de Pâques, et puis on est là en pleine semaine frites en fête du 21 au 25 avril avec une sorte de friterie itinérante que propose la Laverie, avec plein de surprises en différents lieux au niveau du quartier sur Tarentaise Beaubrun. C'est le cas pour ce 23 avril de 16h à 19h devant l'école de Tarentaise, place Jean-François Gonon. Ce 24 avril, 17h30, 21h devant la Comète. Je rappelle que ce sont des rendez-vous gratuits, des surprises et aussi des frites offertes à chacun de ces rendez-vous. Avant donc cet événement et ce spectacle surtout qui voilà, a servi de fil rouge à cette semaine spéciale, c'est le spectacle Friterie mon ami, qui sera bien sûr suivi d'une dégustation de frites. Ça se passera place Jean-François Gonon, c'est à prix libre au chapeau, c'est proposé par la compagnie Bonjour Désordre, et c'est ce 25 avril à partir de 15h. Et puis ça va se poursuivre encore en fin d'après-midi, bien sûr. Voilà pour cet événement 10 ans de la Laverie, avant d'autres événements surprises tout au long de cette année 2026. Une soirée de soutien aux familles sans toit à l'Amicale laïque du Crédroc. Ça va se passer à la Cale, 16 rue Royer, quartier Crédroc à Saint-Étienne, ce 24 avril à partir de 19h. Et puis encore du concert et de la musique, allez, avec par exemple Louis Mezzasoma et son blues qui sera proposé et joué. C'est ce jeudi 23 avril à la brasserie Le Muscat à Saint-Étienne, place Grenette, à partir de 20h. Alors attention, bien sûr, hein, si vous suivez là aussi les diffs et rediffs de ce programme et donc des dates qui vous sont proposées, qui peuvent donc parfois être obsolète bien sûr ou dépassée, donc soyez vigilants. Un autre rendez-vous, c'est cette fois pour ce samedi 25 avril, la précarité menstruelle en France, village rencontre. On a parlé de la médiathèque municipale de Tarentaise tout à l'heure, et bien justement ça se passera sur la médiathèque de Tarentaise ce 25 avril de 14 à 17h. Animation, atelier, lecture, échange autour de la précarité menstruelle en France. Une personne menstruée sur 4 est en situation de précarité menstruelle, et donc cet événement va aussi pouvoir ou permettre de parler en tout cas librement du sujet et poser des questions aux différents interlocuteurs de terrain présents, ce qui sera le cas pour le planning familial, les associations Règles élémentaires et Kiffe ton cycle, l'OSPA, la MFR, et puis d'autres libraires, pharmaciens et autres commerces de proximité. Voilà, village rencontre, la précarité menstruelle en France, ce samedi 25 avril de 14 à 17h. Et puisque j'ai annoncé cet instrumental et ce fond, je dirais, ou tapis musical signé Tamagawa, vous annoncez que du côté du 17, c'est un week-end aussi un peu particulier hein, qui se profile avec des événements attendus samedi et dimanche 25 et 26 avril, avec là encore du livre et de la littérature en perspective, avec Fanny Quément, qui est travailleuse du texte et ingénieuse en lettres, qui écrit des traductions, des fictions, des essais, des poèmes et autres, et qui est un peu aussi là, le fil rouge de ces rencontres. Ce samedi 25 avril, ouverture des portes à 18h, avec une lecture, avec une rencontre, avec une performance électropoétique, va te faire l'outre, proposée, puis dimanche, de l'atelier tuning de bouquin, voilà, tuner du bouquin, c'est-à-dire arriver à finalement changer une couverture un peu moche, etc., en faire un bel objet, ce sera proposé ce dimanche de 14 à 17h, et donc samedi, ouverture des portes à partir de 18h, c'est au 17, donc de rue de la Mulatière à Saint-Étienne. Un autre beau rendez-vous pour ce week-end, c'est dans le cadre de l'exposition L'horizon d'une prairie, présentée au Musée d'art moderne de Saint-Etienne jusqu'au 31 mai prochain. Et ce sont des artistes qu'on a rencontrés au micro de Dio, Adriano Duarte, qui est paysagiste concepteur, Thomas Goumar, qui est artiste, et qui invite le public à une balade commentée le long du sentier des Crassiers. Ça aura lieu ce samedi 25 avril. C'est une promenade pensée comme un sentier en quête, qui devrait réunir une cinquantaine de participants, quatre intervenants, pour éclairer finalement et aller à la rencontre via sentier, eh bien, de l'héritage minier du bassin stéphanois. C'est un projet dont on a parlé dans le cadre du rendez-vous de la transition écologique Tatou Juste en novembre dernier, où nous avions rencontré Thomas et Adriano. Et ils sont partis d'observations de terrain et ont dessiné véritablement ce sentier des Crassiers, qui dessine une première boucle de 55 km qui relie les Crassiers historiques et contemporains du bassin houiller de la Loire, et qui donc là eh bien, va permettre d'être découvert au travers d'une rencontre balade, quatre intervenants, quatre regards, une géographe, Pauline Massé, un professeur encore émérite en urbanisme aménagement, il s'agit de Georges Guay, Pierre Habig également, qui est géologue, et Freddy Jiwa, qui est photographe et accompagnateur en montagne. Alors la boucle devrait faire à peu près 5 km, hein, pas les 55 du sentier en tant que tel, mais voilà, prévoir tout de même un équipement de marche adapté, hein, des chaussures, habits de pluie et autres, même si le beau temps est plutôt prévu. Ça se passe ce samedi 25 avril, 15h30 pour le point de départ qui sera donné Place de la République à Côte-Chaude à Saint-Étienne et qui va donc s'engager pour l'après-midi de ce 25 avril. Une autre visite aura lieu le 23 mai prochain, au départ cette fois du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne. Vous avez toutes les infos sur le site justement du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne, mamc.saint-étienne.fr. Et pour ce sentier des Crassiers, et au-delà d'ailleurs, toutes les rencontres que nous avons pu effectuer lors du Tatou Juste dernier, d'abord je vous renvoie sur sentierdescrassiers.fr pour le site et le lien vers le site donc dédié, et puis toutes les rencontres justement, interviews, conférences et autres que nous avons réalisées sur Tatou Juste, dont ce projet-là, est en réécoute intégrale, bien sûr, sur le site de Dio, www.radiodio.org. On va faire une petite respiration et pause musicale avant de retrouver nos invités. Deuxième grande partie de ce programme aujourd'hui avec allez, une proposition et une annonce concert et jeu concours à nouveau. Allez, une place, une toute dernière place d'ailleurs à gagner pour le concert attendu ce samedi soir du côté du Fil à Saint-Étienne avec Radio Tutti. Extrabal et DJ Pudding en première partie, c'est à partir de 20h30 dans la grande salle. C'est l'anniversaire aussi de Radio Tutti hein, qui existe depuis 10 ans maintenant, depuis 2016. Que d'anniversaire en cette année 2026, décidément. Alors voilà, Radio Tutti est né il y a maintenant 10 ans. C'est un projet qui est emmené par essentiellement deux personnes, disons-le ainsi. Il y a Pauline Rivière et il y a Pierre-Alexis Lavergne. Et ils mènent ce projet Radio Tutti en perpétuel mouvement qui explore plein de frontières musicales, finalement, musique trad et modernité ou électro. Justement, ils avaient sorti, ça va faire un an maintenant, c'était début mai 2025, leur dernier album en date que je vais vous proposer de redécouvrir finalement via le titre Folgoso qu'on va donc écouter de suite. Radio Tutti donc issu de cet album Tourne Club paru le 2 mai 2025, tout cela pour vous annoncer ce concert donc de ce samedi soir avec, je vous l'annonçais, une place à gagner sur le 895 de Dio. Radio Tutti, il y aura plein d'invités ce samedi soir pour fêter les 10 ans de Radio Tutti. Extra balle, samedi soir, ça le file. Je crois que c'est complet. Donc, dernière place à gagner sur le 895 de Duo. Il y aura une séance de rattrapage, je crois qu'il se joue à Lyon semaine prochaine. Donc, l'occasion, pourquoi pas, de revivre cette expérience ou de la vivre si vous n'avez votre place pour ce samedi soir. Plein de projets pour Radio Tutti. Je crois qu'il y a un lieu même culturel qui se monte du côté du département voisin de la Haute-Loire. Bref, plein de belles choses pour l'équipe et la grande équipe, la version XXL de Radio Tutti Extra Ball. Ça me permet de vous dire que ce sera un peu la dernière date dans la programmation en tant que telle, enfin comment dire, programmation du fil en tant que telle, mais bien sûr plein d'autres choses qui vont se poursuivre hein, du côté du fil, plein de partenariats de partenariats effectivement de festivals et autres au mois de mai, les terrasses en musique et en festivité au mois de juin, une collaboration à nouveau avec Dio, ce sera bien le 4 juillet pour la saison, enfin la clôture de saison du fil d'ailleurs. Notez d'ores et déjà cette date, une sorte de carte blanche qui est donnée à Dio avec grand plaisir. Et puis autre association ou collaboration avec notre radio et la salle, ce sera un débat en public et en direct qui aura lieu samedi prochain, samedi 2 mai, où j'aurai le plaisir d'animer un débat sur la question du lien entre rap et politique et de l'engagement notamment. Comment faire du rap en prenant ou sans prendre position. Ce sera le débat que j'aurai le plaisir d'animer avec différents artistes, Tairi, Complice, La Cigale et FRS Taga. Soirée hip-hop justement, c'est en préambule aussi de cette soirée concert qui a attendu les échauffer avec ces artistes-là qui sont attendus sur la scène du fil samedi 2 mai. Donc débat à partir de 8h30 et puis concert à partir de 20h30 le 2 mai prochain. Voilà pour Dio, le fil et la musique, bien plus que la musique. Allez, cette fois on peut rentrer dans le vif de notre sujet du jour. Merci de votre patience, chers Jean-Pierre et Nicolas, mais ça a permis aussi de vous installer confortablement, de reprendre un peu pied après une sorte de petite trêve de quelques minutes. Je sais que c'était le cas pour Nicolas qui avait besoin d'un peu de repos aussi finalement hein, avant que l'on entame là les hostilités. Merci encore à vous hein, d'être là tous les deux pour parler donc de ce printemps de l'agriculture paysanne. Alors justement dans un premier temps, commencer par le commencement et nous représenter ce qu'est ce printemps de l'agriculture paysanne. Bon, d'abord, ça a été une création il y a plusieurs années de l'association Vers de Terre, qui est une association de Saint-Étienne. Et depuis 2023, donc, l'association est membre des Amis du Treuil, donc, qui est un réseau notamment associatif. Et donc, depuis 2023, tous les ans, tous les printemps, donc, le printemps de l'agriculture paysanne est co-organisé par Vers de Terre et les Amis du Treuil. Bon, comme son nom l'indique, c'est vraiment de mettre en avant et en direction du grand public toute une série d'événements. Il y en a un peu plus d'une vingtaine cette année, qui vont permettre de parler directement de sujets agricoles, mais aussi en marge du sujet agricole, autour de l'alimentation, autour de la culture aussi, autour de la découverte de secteurs d'activité qui ont lien aussi avec le territoire. Donc effectivement, nombreuses propositions, hein, des rencontres, des débats, des visites de ferme sur le casse week-end avec l'opération de ferme en ferme. Il y a vraiment beaucoup de propositions faites, hein, dans ce cadre-là, un printemps très comme le veut la saison finalement, hein, très force de propositions, ça bourgeonne dans tous les côtés, tous les sens, autour de ces enjeux donc de l'agriculture paysanne bio et locale, défense de l'environnement, question d'une alimentation saine également. Quelques mots très rapides sur vous qui êtes co-organisateur, c'est-à-dire à la fois le Treuil et Vers de Terre. Rappelez tout de même très rapidement, là aussi, qui vous êtes en tant qu'organisation, au-delà de propositions et d'événementiels, hein, finalement. Hein. C'est aussi un travail au long cours que vous menez. Alors, Vers de Terre, donc, c'est une association qui s'est créée il y a plusieurs années, d'abord pour porter le salon de l'agriculture paysanne, qui se fait tous les deux ans, donc qui est un événement biennal. Et assez rapidement, ils ont souhaité, entre les deux événements, entre les deux salons, pouvoir rester aussi sur ce thème-là. Et ils avaient lancé l'idée d'un printemps de l'agriculture paysanne. Et donc, depuis 2023, c'est copiloté Vers de Terre et les Amis du Treuil. Les Amis du Treuil, une association départementale qui a son siège à Chambœuf, qui réunit une quarantaine d'organisations agricoles et non agricoles, et aussi pas mal de particuliers, qui gèrent un tiers-lieu et qui portent du plaidoyer, qui portent des actions de sensibilisation, d'éducation populaire, en direction tout public, des décideurs, des intercommunalités, etc. Vers de Terre qui propose son salon chaque rentrée, hein, c'est en septembre habituellement, sur le parc Courriot, parc Joseph Zangdols à Saint-Étienne. La question se posait de la pérennité justement de l'événement. Je sais que dans le cadre un petit peu de votre printemps et de votre événement, vous avez proposé une réunion le 2 avril dernier portant sur justement un peu l'avenir de l'événement. Alors, le 2 avril est passé, cette réunion qui se tenait au Treuil pour penser Vers de Terre dans le futur. Alors, qu'en est-il ? Ah ben quoi qu'il en soit, le salon, il peut être d'ici... Le prochain aura lieu en 2027, septembre 2027. Donc, il est acté. Il aura lieu. Et après, il va sûrement avoir quelques retouches de forme. Il y avait un certain nombre d'éléments qui ont été donnés en avril et aussi lors de l'Assemblée Générale. Et on y était partie prenante de l'association Vers de Terre. Mais en tout cas, il aura bien lieu en septembre 2027. Alors là aussi, on va prendre peut-être la température de ce début finalement de printemps de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire de l'événement. On va pas faire un point météo. L'événement a commencé le 6 mars dernier. Vous avez sans doute déjà suivi quelques rendez-vous et quelques événements. J'imagine que peut-être compliqué que de suivre l'intégralité des rencontres et autres propositions. Mais voilà, simplement là, depuis l'entame de cet événement, qu'en dire aujourd'hui, même si nous ne sommes même pas à mi-parcours, mais en tout cas, voilà, sur cette entame de printemps de l'agriculture paysanne. On peut peut-être citer trois points pour pas lire tout le programme. Il y a d'abord eu une soirée avec le Secours catholique, les CIVAM, Solidarité paysan et le Treuil, sur le rapport national qui était autour de un rapport qui s'appelle « L'injuste prix de notre alimentation ». Donc c'était une rencontre qui a permis de réunir plus de 40 personnes de tout bord, et c'était vraiment un sujet important que de travailler les contenus de ce rapport qui montre en gros que l'État, bon an mal an, met plus de 50 milliards pour soutenir un système agroalimentaire qui est souvent, on peut dire, en faillite ou qui va dans le mur. Donc ça permet de dire de l'argent, il y en a, il faut peut-être le réallouer. Un autre point qui a eu lieu avec Génération Future, c'était une soirée sur les alternatives aux pesticides. Tu en parlais tout à l'heure, et effectivement, tous les ans, fin mars, du 20 au 30 mars, Génération Future propose de réfléchir dans toute la France là-dessus. Et donc, depuis 3 ans, on fait un certain nombre d'événements. Et puis, un événement aussi que le territoire connaît depuis très longtemps, c'est la fête des semences à Marcilly-Châtel, qui est porté par, par l'association des semences paysannes. Et là, ben, ça, en plus, on a eu cette année un très beau week-end, donc avec beaucoup de gens qui ont participé, plus de 1000 personnes qui étaient présentes à la ferme. Ça, c'était le 21 mars dernier. D'ailleurs, à propos de semences ou de plants, hein, on va rappeler aussi, par exemple, que ce week-end, c'est la vente de plants bio, comme le fait habituellement et régulièrement Oasis, le jardin de Cocagne, qui est basé à Saint-Just-Arambert. C'est ce vendredi 24 et samedi 25 avril pour les ventes de plants bio d'Oasis. Et puis d'autres événements et portes ouvertes autour de cet événement. Je vais juste rebondir sur finalement les deux points que tu as commencé à évoquer, qui vont aussi faire l'objet de nos échanges et discussions. Tout d'abord, le 6 mars, tu évoquais cette soirée autour du rapport injuste du prix de notre alimentation. Ça me permet d'être une belle entrée en matière pour justement pouvoir le décliner sur différents points. Je pense à Solidarité, justement, Paysan 42, qui était associé à cette soirée et qui invitait la presse il y a quelques jours pour faire un point sur cette association qui soutient depuis plus de 30 ans les agriculteurs et agricultrices qui rencontrent des difficultés sur leur ferme. Alors justement, on a ici un agriculteur, Nicolas Clerc, porte-parole de la Confédération Paysanne. Vous pouvez peut-être, même tous deux, bien sûr, intervenir pour expliciter un petit peu justement cette nécessité d'une association comme Solidarité Paysan 42 qui finalement répond à un accroissement, une complexification aussi des difficultés rencontrées sur le terrain et inhérentes finalement, je dirais presque, à l'activité agricole. Oui, alors souvent quand une ferme se trouve en difficulté, il n'y a pas une seule raison, il y a une conjugaison, ça peut être une donnée purement économique, mais il y a aussi souvent des questions de santé, des questions de désordre familial, un divorce qui arrive à un mauvais moment dans une exploitation agricole, ça peut déstabiliser la ferme. Et puis, il faut comprendre aussi que parfois, il y a des phénomènes d'emballement. Une difficulté peut générer, notamment d'un point de vue administratif, des emballements qui amplifie, qui exagère le mal-être et la difficulté de la ferme. Et pour lutter contre cet emballement, l'agriculteur est souvent dépourvu de moyens et une aide extérieure l'aide à se ressaisir. Un interlocuteur tiers, pour s'adresser notamment à l'administration, permet souvent, parfois, enfin le plus souvent possible, de remettre les choses en route et désamorcer des problèmes qui, en fait, aurait pu être résolu. Sur les autres points, enfin, finalement, qui rejoint la question du prix, de l'alimentation, qui rejoint le deuxième que Jean-Pierre évoquait dans ce qui a pu se dégager là, de cette entame de printemps d'agriculture paysanne, qui est la question des alternatives aux pesticides. Alors, cela me renvoie à l'actualité, un peu là, tout azimut, et j'aimerais bien qu'on l'évoque tout de même, en quelques mots, parce que, tout d'abord, c'est une crise agricole, véritablement, que l'on vit depuis quelques mois. Il y a eu des manifestations nombreuses en ce début d'année. Où en est-on aujourd'hui, Nicolas, peut-être plus précisément pour la Confédération Paysanne, sachant que ce qui a fait l'objet de ces mobilisations, c'est une loi, la loi dite Duplomb, notamment. Où en est-on aujourd'hui? Il y a eu un débat en février à l'Assemblée. On parle de loi Duplomb 2 et donc de nouvelles propositions, alors que la quand même premier projet de loi a fait l'objet d'une pétition hallucinante, 2 millions de signatures. Et pourtant, ça revient à la charge avec une loi et un projet de loi agricole. Alors, il y avait aussi cette date du Conseil des ministres, là, il y a quelques jours, ce 15 avril. Donc, là aussi, actualisation du point. En fait, il faut bien comprendre que les crises agricoles, elles sont souvent de deux ordres. Il y a des crises très objectivé, si vous voulez, ça peut être le prix du gasoil qui vient poser des problèmes dans les fermes, une crise des cours mondiaux qui vient affecter le prix du lait, le prix du blé, le prix de la viande ou le prix des œufs. Et puis, il y a aussi certaines de ces crises, parfois, elles arrivent à être supportées par la profession. Et puis, parfois, elles génèrent une crise de conscience, une crise existentielle. L'étincelle explose et ça se génère des manifestations plus ou moins, avec plus ou moins d'amplitude. Et souvent, quand ces crises, comme ça a été le cas depuis 2 ans, prennent de l'ampleur, c'est qu'elles elles ne sont pas uniquement des problèmes de production ou des problèmes techniques. Elles s'assoient aussi sur une crise presque existentielle et de mon point de vue, c'est un peu le cas pour la profession en ce moment, c'est que le voile se déchire, si vous voulez, le voile de la réalité se déchire, se découvre derrière celui du mensonge plutôt, et on se rend compte que la fable qu'on nous a racontée depuis 50 ans, qui est celle du libéralisme, de l'agriculture française qui est la meilleure du monde et qui craint personne et qui peut aller se battre sur les marchés internationaux, et on n'a pas à baisser les yeux ni devant les Brésiliens, ni devant les Ukrainiens, ni devant les Australiens, eh bien, les agriculteurs eux-mêmes, finalement, commencent à croire que c'était un peu une arnaque et que lâcher, livrer sur les marchés internationaux, eh ben, on risque de perdre la bataille parce que dans la vie, il y a des gagnants et des perdants. Et si on est un pur libéral, eh ben, on devrait accepter d'être les perdants de ce marché international. Et aujourd'hui, les paysans sentent que non, ce jeu ne mérite pas d'être joué et que l'agriculture a le droit de vivre pour elle-même, l'agriculture française a le droit d'être là. Et on voit apparaître cette notion de souveraineté alimentaire que les politiques ont mis sur la table depuis 2 ans, mais ils sont assez habiles parce que désormais ils nous parlent de souveraineté alimentaire, mais sans avoir fait le mea culpa sur ce discours de vocation exportatrice de la France qu'on a eu depuis 40 ans. Et alors qu'il s'agit de deux programmes complètement opposés. Et aujourd'hui, on sent qu'on est tiraillé entre deux programmes pour l'agriculture française. Et il y a une incertitude, un flou qui génère une angoisse et qui provoque l'amplitude des crises. Oui, c'est vrai que la ministre en poste, hein, Annie Genevard, est responsable de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Mais ce projet de loi agricole, Nicolas Clerc, est-ce qu'il englobe tout cela justement ? C'est-à-dire qu'on a parlé du Mercosur aussi il y a quelques temps. Là, on revient sur la question des pesticides, enfin, cette loi du plomb qui réintroduit quand même des produits hautement toxiques. On parle aussi de projets européens avec, là encore, des exports de produits toxiques hors Union européenne, mais qui risquent de revenir dans nos assiettes. Enfin, il y a une déréglementation aussi des OGM là, qui viennent intervenir au Conseil de l'Europe. Enfin, eh ben en fait, le nouveau paquet de lois qui nous est proposé, c'est un peu la résurgence de l'ancienne version, c'est-à-dire l'ancienne vocation exportatrice de la France, qui revient sur la table et on raconte aux paysans que, mais vraiment, si on se bat à la loyale avec en dérégularisant le système français, en nous donnant un peu plus de pesticides, un peu moins de réglementation, on peut continuer à aller se battre sur ces marchés internationaux et à lutter face à cette ouverture des marchés. Et donc aujourd'hui, c'est un discours qui a marché pendant 40 ans avec la profession française. Et aujourd'hui, ben, on a encore un petit peu ce discours qui continue à fonctionner avec une partie de la profession. Et nous, Confédération Paysanne, on refuse ce discours-là parce que, mais en fait, si on y réfléchit, c'est évident. Croire qu'en libéralisant, on pourra se battre à la loyale, d'ailleurs avec des armes qui nous rendent malades, mais peu importe. Mais en fait, on ne sera jamais à la loyale. On peut bien autoriser tous les pesticides qu'on veut. Une ferme de 10 000 hectares brésilienne sera toujours plus rentable qu'une ferme de 200 hectares française. Donc même les fermes françaises qui se croient les plus grosses, même les fermes françaises du nord de la France qui ont considéré avec un peu de mépris les petites fermes du Massif central, même elles seront dévorées par la mondialisation. Et c'est pas en libéralisant, en autorisant un pesticide de plus, un insecticide de plus, une OGM de plus, que si les marchés sont ouverts, ils s'en sortiront. En termes juste de calendrier, Nicolas, ce projet de loi, du coup, Alors, a priori, j'ai croisé le sénateur Tissot qui suit beaucoup ce dossier. Il me laissait entendre qu'on n'aurait pas une version loi du plomb en tant que telle, numéro 2 en tant que telle, mais qu'elle serait plutôt saucissonnée et qu'elle arriverait petit bout par petit bout. Et donc, il faudra prendre les événements les uns après les autres. Mais on n'aura pas le package un peu fourre-tout qu'on a eu la dernière fois, où ils ont essayé un petit peu vite en vitesse de passer des choses qui n'allaient rien avoir en telles que les méga-bassines, un pesticide pour les betteraves, une autorisation de faire les poulaillers industriels, enfin des choses qui sont des sujets qui n'ont rien à voir entre eux. Ils avaient fait un espèce de pot-pourri pour tout passer en même temps. A priori, ça ne sera pas possible pour ce coup-ci, on va devoir discuter chaque sujet. Jean-Pierre. Oui, je voulais simplement rappeler aussi que ce qui se passe pour l'agriculture, on est quand même face, en Europe, en France, en Europe et sur la planète, à un démantèlement des normes environnementales, des normes de santé. Donc ce que vit l'agriculture, on le vit aussi dans beaucoup d'autres secteurs. Je veux dire, l'Europe est en train, avec les lois omnibus, qu'ils appellent les démarches omnibus, de remettre en cause tous des pans entiers qui avaient été bâtis depuis 20 ans. Donc là, c'est la petite musique de Altona, normes, les normes empêchent de travailler, de vivre, c'est une grande foutaise. Enfin, je crois que c'est simplement des intérêts qui sont prioritairement économiques, qui veulent faire avancer leur propre agenda. Quelque chose qui me surprend, si je peux me permettre d'aller gratter un petit peu, c'est que ce printemps qui, justement, vise un petit peu à sensibiliser, à informer, à valoriser aussi finalement ce qu'est l'agriculture paysanne, ces points-là qui font hautement l'actualité, qui sont des enjeux importants d'aujourd'hui, de demain, n'apparaissent pas véritablement dans la programmation. En point de débat, de discussion, d'information. Alors par exemple, quand on parlait le début mars, on a lancé le printemps de l'agriculture paysanne sur l'injuste prix de l'alimentation. Très clairement, on a quand même mis sur la table les chiffres publics qui montrent effectivement les dérives, les affectations, les allocations budgétaires colossales qui viennent ponctionner un système, un budget. Quoi, donc. Oui, la soirée d'ouverture, certes, lançait en effet les points. Oui. Mais oui, vous savez, le sujet agricole, en fait, il y a deux façons de le prendre. On peut espérer mobiliser la société civile sur un petit sujet particulier. Alors c'est vrai que ça a marché avec la loi Duplomb il y a voici un an maintenant, mais aussi on peut considérer que l'agro-business, le système libéral, il aime bien que le sujet agricole soit un sujet compliqué et qu'il soit réservé et traité uniquement dans les arrière-cours ou dans les bureaux feutrés des ministères, un domaine très particulier. Nous, notre stratégie à la Confédération Paysanne et également aux Amis du Treuil et à tous les partenaires du Printemps de l'Agriculture Paysanne, notre stratégie à nous, c'est considérer qu'en fait, l'agriculture, c'est un sujet vraiment citoyen qui doit appartenir à tout le monde. Mais pour que les citoyens et un avis, ils peuvent se saisir d'un sujet vraiment quand l'ambiance est là, quand le zeitgeist, comme les philosophes allemands disent, quand c'est dans l'air, et ben tout le monde se mobilise. Mais on peut aussi considérer que il y a une démarche d'éducation populaire à faire sur le sujet agricole. Il faut que les Français se saisissent de tous ces sujets, gagnent en compétences, gagnent en connaissances, en connaissent les enjeux, le vocabulaire. Et ça peut aussi se faire sur une démarche de long terme et pas uniquement sur un combat. Alors, il y a l'urgence du combat, évidemment, mais le printemps de l'agriculture paysanne, c'est un marathon qu'on joue sur plusieurs années, que les Français connaissent l'agriculture, en connaissent les enjeux, en connaissent les mots, et peut-être même pour mieux exprimer leur sentiment personnel aussi. Jean-Pierre. Oui, simplement, d'abord, il faut rappeler que pour gagner des luttes, on ne peut pas s'appuyer que sur une méthode, mais il y a les luttes proprement dites, il y a aussi l'éducation populaire, la formation des citoyens, et puis il y a l'expérimentation d'alternatives pour être un petit peu crédible. Donc je pense que le sujet de l'agriculture paysanne, pour nous, il est intimement lié à l'alimentation, c'est-à-dire pour nous, pour sortir de ce que dit Nicolas, qui est qu'on a toujours dit, on a toujours entendu dire, les paysans, ils connaissent leur métier, venez pas nous emmerder, c'est nous qui gérons l'agriculture. Comme on dit, c'est le sujet agricolo-agricole. Nous, on pense que l'alimentation et l'agriculture sont totalement liées, et l'alimentation, qui pourrait estimer que ça n'appartient qu'aux paysannes et aux paysans? Donc évidemment, par le prisme, par le biais de l'alimentation, on remet au milieu de la, voilà, un petit peu de la cour, ce sujet qui concerne tout le monde. Ouais. Juste pour revenir, comme ça permet aussi d'intégrer un peu la programmation de ce printemps de l'agriculture paysanne, l'alimentation justement, c'est aussi les espaces où on peut s'approvisionner, hein, finalement. Il y a eu cette visite de la plateforme de Terre Noire, hein, de la ferme au quartier. Je pense à justement ce week-end, les journées portes ouvertes de la Fourmilière, la coopérative, le supermarché coopératif, la Fourmilière. Ça a lieu tout ce week-end, des 24 et 25 avril, de 10h à 20h, c'est vendredi, de 10h à 17h, c'est samedi, pour la Fourmilière. Et puis, il y aura encore, par exemple, ce samedi 25 avril, il y a un programme très chargé ce week-end, hein. C'est les 1 an de la Caisse sociale de l'alimentation. Si peut-être, Jean-Pierre, tu veux en dire rapidement, hein, quelques mots. C'est quand même, on était présent dans les rencontres récemment. C'est vrai que c'est un projet qui avance. Donc il y a eu le soutien de l'État et de la métropole. Donc ça a permis de donner un coup de fouet effectivement à ce projet. Donc l'association dépasse, d'après ce qu'on sait, plus d'une centaine de familles adhérentes, et ça trouve son rythme de croisière. C'est plutôt en voie de développement. Je crois que ça répond à un besoin. Il faut se rappeler que sur Saint-Étienne-Ville, plus de 28% de la population est en dessous du seuil de pauvreté, donc l'accès à une alimentation de base et encore plus à une alimentation de qualité, locale ou autre, c'est un enjeu social et aussi de survie qui est extrêmement important. Donc ça va être fêté ce samedi 25 avril pour les 1 an de la Caisse sociale de l'alimentation avec des personnes impliquées dans le collectif national Sécurité sociale de l'alimentation. Ça se passe à l'Amicale laïque du Crédroc, 17 rue Royer. Il y a des tables rondes, il y a discussions autour de deux grands thèmes, sécurité sociale, alimentation, monde paysan justement, sécurité sociale et de l'alimentation et la démocratie contre la précarité. C'est à 14h, de 14 à 16h, avant une conférence gesticulée avec Mathieu Dalmès de La Fourche à la Fourchette ou l'inverse, qui sera proposée ensuite de 16h à 18h. Voilà pour c'est un an de la Caisse sociale de l'alimentation, donc ce samedi 25 avril. Et puis pour ce week-end, si on est encore dans la programmation de ferme en ferme, Nicolas, vous ouvrez les portes de votre côté là-haut. Alors pas cette année, mais j'ai prévu de le faire dès l'année prochaine. Ok. En tout cas, c'est une cinquantaine de fermes qui ouvrent gratuitement leurs portes durant tout le week-end pour vous faire découvrir leur métier, produits et sensibiliser à l'agriculture justement paysanne et durable. Et pour tout le programme, parce que ça se poursuit jusqu'au 14 juin, vous pouvez vous rendre sur le site letreuil.fr. où eh bien vous retrouverez le programme en détail, Jean-Pierre, pour ce printemps de l'agriculture paysanne. Il y avait d'autres points que je voulais aborder, mais très vite. Par exemple, est-ce que la crise de l'énergie impacte le secteur aujourd'hui ? Et là aussi, quelle perspective ? En fait, la crise de l'énergie, c'est une question à long terme. Quand les journalistes m'appellent pour parler de l'augmentation du prix du gasoil ou du prix de l'ammonitrate, ils ont envie que je leur dise que ça met en difficulté les fermes aujourd'hui, et objectivement, c'est faux. C'est un problème pour dans un an. En fait, le gasoil qui a servi à semer le blé, il a déjà été acheté, le blé, il a déjà été mis. Pour la prochaine récolte du mois de juillet, ça n'aura aucun impact, si ce n'est la consommation de la moissonneuse batteuse. Alors c'est sûr, là on arrive au mois d'avril-mai, c'est une période où on va consommer un peu plus dans les champs, notamment pour faire récolter les fourrages. Ça commence à devenir important. Et puis le prix des engrais, il va devenir très grave pour l'automne prochain. Donc en fait, c'est une vraie inquiétude qui est gravissime pour l'automne prochain, mais objectivement, c'est pas un truc qui met en difficulté les fermes tout de suite, dans l'immédiat. Quoi. Voilà. Il y aura l'impact. Ah oui, c'est vraiment une question à long terme. A posteriori. Autre source d'inquiétude, sans vilain jeu de mots, c'est l'eau. On annonce un été à nouveau qui risque d'être très sec et très chaud. Là aussi, où en est-on un petit peu ? Parce que je sais que tous deux êtes à l'origine du collectif Partageau, qui propose son forum départemental chaque année autour justement des enjeux, des inquiétudes, des problématiques et des perspectives liées à la ressource en eau, justement, pour les activités, mais pas seulement. Là aussi, est-ce qu'il y a un point qu'on pourrait faire peut-être d'actualisation, soit sur le collectif, soit sur le forum départemental, soit sur la problématique très immédiate de ce printemps, voire de cet été approchant ? Très, très brièvement, donc sur les points déjà acquis, d'abord le Partageau qui a été lancé en 2023 continue. Il est porté par un collectif de 9 associations, dont le Treuil, mais aussi des structures comme le CPIE des Monts du Pilat, Vivre Bio en Roannais et d'autres. Donc c'est porté par un collectif qui, depuis plusieurs années, souhaite mettre le sujet de l'eau comme bien commun et comme objet de... qui concerne tous les habitants du département. Donc il continue. Nous avions cette semaine une rencontre avec un certain nombre d'associations non membres du collectif, mais avec qui on souhaitait partager la réflexion, et notamment sur le sujet de comment associer les habitants dans les structures, dans la gouvernance de l'eau, dans les lieux où se prennent les décisions. Ça a été une après-midi extrêmement intéressante, très très riche, avec une volonté d'ouvrir de nouveaux partenariats, pas obligatoirement d'élargir le collectif, mais en tout cas de mettre en route des partenariats sur des tas d'endroits du département. Nicolas ? Alors nous, Confédération Paysanne, on se concentre plutôt sur la partie agricole et donc irrigation. Et notre démarche, je pense, pour l'année qui va venir, ça va être que la profession au niveau départemental, là, est en train d'essayer de... Enfin, elle est en train de pondre une note d'orientation pour la maîtrise de l'eau. Et dans cette note qui est gérée par la Chambre d'agriculture, il y a 2 ou 3 fois le mot « sécurisation ». Alors c'est vrai que la sécurisation, c'est quelque chose qui est plutôt sympa, on a envie d'être pour, enfin, qui peut être contre sécuriser, c'est plutôt bien de sécuriser, c'est mais rassurant. Les gens qui ont l'esprit mal tourné pourraient se dire que la sécurisation, c'est un petit peu se mettre de l'autre côté pour soi, et ça peut, si on a vraiment l'esprit très mal tourné, être une logique d'accaparement. Et donc nous, Confédération Paysanne, notre démarche à nous, c'est de dire il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer, il y a de l'eau réservée pour les paysans, c'est une évidence, l'irrigation est quasiment indispensable pour toute une partie de nos activités, mais ce qu'on souhaite surtout, c'est que l'irrigation, la pratique de l'irrigation soit acceptée et respectée par les citoyens. Mais pour qu'elle soit acceptée et respectée, il faut aussi qu'elle soit acceptable et respectable. Et donc, on souhaite mettre sur le débat public la question de l'irrigation et surtout de ce que les agriculteurs peuvent faire pour que ces pratiques soient bien vues par les citoyens. Et on peut imaginer, par exemple, que la profession utilisant de l'eau, bénéficiant de cette ressource qui appartient à tout le monde, eh bien, donne des gages un petit peu plus importants que dans d'autres, que là où on n'irrigue pas, en matière environnementale, en matière de présence des arbres, présence des haies, présence des mares. Et donc, on souhaite que la médiation pour l'acceptation de la pratique de l'irrigation soit mise sur la table. À propos de ce collectif Partage Eau, est-ce qu'un forum départemental est prévu sur cette année 2026 ? Tout à fait, il est prévu. Donc, depuis 2 ans, il a lieu au mois de novembre. On a prévu effectivement que le prochain forum aura lieu en novembre 2026. Alors, on a encore 3 dates. On doit caler le samedi qui tient compte aussi des disponibilités des salles. Mais en tout cas, c'est lancé pour un forum au mois de novembre, avec une priorité vraiment avec la parole aux citoyens. Donc on a vraiment envie d'avoir peut-être un peu moins d'intervenants, mais beaucoup plus d'interactions avec les citoyennes et citoyens qui viendront. Je rappelle que nous sommes partenaires de ce forum départemental depuis sa première édition et que bien d'ailleurs le dernier forum qui s'est déroulé le 15 novembre 2025 et que nous avons pu suivre est en réécoute là aussi intégrale pour les différentes interventions sur notre site internet et que à nouveau ils seront ou elles seront pour ces interventions proposées en diffusion justement semaine prochaine dans le cadre de notre semaine spéciale dans le cadre justement aussi là du printemps de la culture paysanne version radio avec un retour à la fois sur les tables rondes de discussion de Vers de Terre, le salon qui a eu lieu là aussi en septembre dernier, et donc le forum départemental. Les 2 éditions 2025 seront des temps croisés comme ça de diffusion semaine prochaine pour cette semaine balisée culture radio, justement. Et où nous vous retrouverons, Nicolas notamment, qui est intervenu à plusieurs reprises dans les discussions de Vers de Terre l'année dernière, dans le forum départemental également. Bref, pour le collectif Partageau, au-delà de ce forum départemental, j'ai vu que le 16 avril, il y avait eu une rencontre, comme vous en proposez régulièrement, projection débat autour de cultiver la pluie, il me semble, c'était ça. Et je vois qu'actuellement se déroule, ou va se dérouler, hein, ça va commencer ce week-end ou semaine prochaine, le Festo Pila, qui est un événement, première édition hein, de cet événement, justement consacré à l'exploration de l'eau autrement, justement. Vous en êtes partie prenante ? Alors, le Partageau, donc le collectif, est partie prenante depuis le début, dans le montage de ce festival. Il a été lancé initialement par le CPI des monts du Pila, mais il y a à peu près une 20aine d'organisations qui portent l'organisation justement de tout ce festival qui s'étale sur plusieurs jours. Donc le collectif Partageau est partie prenante depuis le début du montage de cet événement. Un bel événement, 9 jours, 30 animations, 25 communes du Pila, là aussi des balades, des visites, des ciné-échanges, des spectacles et autres, un concert flottant même. Voilà, ça va se dérouler donc jusqu'au 3 mai, organisé par 17 structures locales pour ce festival. Première édition va explorer l'eau autrement, des craies aux rivières. Première édition à suivre, là aussi toutes les infos, letreuil.fr qui vous renverra vers là aussi le site dédié. Au-delà de l'eau, je voulais revenir sur 2 derniers points. Le programme, je vous l'avais dit, hein, est très chargé. D'abord, je sais que Jean-Pierre, vous êtes très investi, t'es très investi sur les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui concerne d'ailleurs peut-être bien Nicolas également, qui fait partie de ce dispositif finalement. C'est les rencontres régionales qui ont lieu là aussi chaque printemps. Et je voulais juste revenir parce que ce samedi, dans l'Ain, il y a les rencontres régionales des AMAP. Et c'était peut-être l'occasion, très rapidement, ça fait quelques années quand même hein, qu'on en parle, mais en 2026, quel justement un peu bilan, état des lieux, voire perspective de ce modèle finalement des circuits courts, de vente directe, etc. Alors déjà, donc effectivement, il y a des rencontres régionales dans l'Ain. Il y a aussi demain soir dans la Loire, à Saint-Étienne, à l'Amicale laïque de la Terrasse, l'Assemblée générale du réseau Loire des AMAP, okay. Puisque dans le département de la Loire, il y a 24 AMAP actuellement. Au niveau régional, donc il y en a entre 300 et 400, ça évolue, je crois que c'est autour de 350 pour être précis. Alors, c'est très partagé sur les territoires. Il y a dans les territoires comme celui de la Loire où il y a des vrais problèmes de précarité et de budget insuffisant, c'est plus difficile de faire vivre des AMAP que dans des zones comme la région de Lyon. Même là, le département de l'Ain est un département très riche, même si beaucoup de gens l'ignorent. Donc ça veut dire que la capacité contributive des familles est aussi un blocage, ce qui est dommage parce que chacun devrait pouvoir avoir accès à de l'alimentation et de l'alimentation de qualité. Mais même dans le département, ça dépend aussi des dynamiques associatives. Moi, je suis dans une AMAP de Saint-Chamond. On dépasse pratiquement la centaine de familles adhérentes qui ne s'étaient pas vues depuis plusieurs années. Donc ça veut dire aussi que quand il y a un vrai travail avec une ribambelle de fermes qui coopère, ça marche aussi et ça permet de répondre à des besoins. Nicolas, peut-être sur ce point des AMAP ? Oui, alors les AMAP... La vente directe, le circuit court, un modèle un peu comme ça, qu'on a érigé un peu en modèle un peu idéal finalement. Ben en fait, alors, c'est un modèle idéal, sauf qu'en fait, il ne représente qu'un petit pourcentage du volume qui sert à nourrir les Français. Donc, il doit être maintenu, soutenu, encouragé, développé, mais croire qu'il va à court terme tout solutionner, ben, c'est se tromper malheureusement. Donc il faut, mais c'est souvent un lieu d'énergie, un lieu d'échange. C'est un lieu où on élabore, on imagine, on essaye, on rôde de nouvelles façons de fonctionner entre producteurs et consommateurs. Donc il faut plutôt le voir de ce point de vue-là. Il y aura d'autres... Oui, Jean-Pierre. Je dirais, au 19e siècle, la sécurité sociale n'existait pas. C'était des caisses militantes dans les usines et dans les mines qui ont lancé les prémices des caisses de solidarité qui se sont transformées en sécurité sociale après la guerre. La formation professionnelle a été lancée localement et ponctuellement avant de venir en régime. Je veux dire, c'est vrai que là, c'est un marché de niche, hein, très clairement. Comme une caisse sociale de l'alimentation, ça ne va pas bouleverser. Mais ce sont des lieux qui permettent politiquement de poser un certain nombre de débats et de faire avancer le schmilblick et la réflexion. Un autre point que je voulais aborder, je sais qu'il y a beaucoup d'actualité, hein, mais je profite de votre présence d'abord pour l'évoquer. Oui, on va évoquer aussi ces rendez-vous prochains. On va même déborder hein, du cadre même, au-delà de notre horaire, mais du programme presque, hein, puisque le printemps va se terminer le 14 juin, mais il y a d'autres événements qui viennent de se rajouter. Juste un dernier point, parce que 2026 est l'année internationale du pastoralisme. J'ai pu voir ça. Et voilà qui m'intéressait. Je voulais profiter de la parole et de la présence de la Confédération paysanne pour évoquer ce point. Et notamment, j'ai entendu qu'il y a eu une rencontre il y a peu avec la préfecture de la Loire, notamment, concernant les problèmes de prédation. Hein, le pastoralisme, c'est les pâturages, certes, mais c'est la relation interdépendante entre éleveurs, troupeaux et comment dire je voulais dire les milieux exploités quoi finalement ouais. Mais aussi sauvages et donc la prédation et donc le loup qui serait effectivement bel et bien présent dans la Loire. De multiples attaques ont eu lieu sur là le Pila pas très lointain. Je voulais juste, là aussi, cette cohabitation qu'on connaît dans d'autres massifs, voilà, plutôt de haute montagne, mais qui arrive là en moyenne montagne et qui semble, cristalliser à nouveau les tensions entre autorité, oui. Sécurité et élevage, production, exploitation. Et en fait, c'est assez ironique parce qu'il y a des visions politiques qui se télescopent un peu. En fait, on pourrait presque dire que l'élevage industriel se conjugue très bien avec le loup. De même que les poules en batterie n'ont aucun problème avec les renards. Et c'est vrai que c'est un problème pour nous parce que nous qui soutenons l'élevage en plein air, la pâture, les poules en plein air, les poules en plein air, on arrive à réguler le problème des renards avec des bons grillages. Bon, ça veut pas dire que de temps en temps il y a pas un petit coup de fusil à mettre, mais globalement le renard a sa place dans la nature et on doit d'abord bien clôturer son poulailler, c'est comme ça qu'on doit le faire. Mais c'est vrai que l'élevage en plein air, notamment des brebis et la cohabitation avec le loup, elle est plus que compliquée. La démarche de la conf, on en a parlé pas plus tard qu'hier soir avec les services de la préfecture également, c'est que tant que c'est exceptionnel, ponctuel, rarissime, il convient de garder la tête froide et pas de tomber dans des réflexes qui paniquent très vite. Je veux dire, la FCO, la fièvre catarrhale ovine, a décimé des centaines et des milliers de moutons l'an dernier, enfin voici 2 ans maintenant dans le département. On s'est pas fait harakiri, donc quelques brebis mangées doivent pas nous pousser à paniquer tant que ça reste exceptionnel, ponctuel et que ça tombe pas toujours sur le même agriculteur. Une fois dans sa carrière, avoir une attaque, c'est quelque chose que la profession peut supporter. dès lors que ça devient récurrent, toujours au même endroit, toujours pour le même paysan, c'est insupportable, il y a de quoi déprimer et même et renoncer à la profession. Et oui, c'est une nouvelle inquiétude qui vient finalement aussi se rajouter finalement à la pratique. Voilà, donc la position de la conf, nous, c'est de se dire, on est en zone périphérique du loup, on pense qu'on peut accepter et vivre avec le loup tant que c'est épisodique, ponctuel. Une prédation totale et violente, là on aura plus du mal à l'accepter. Il y a un autre animal pour lequel c'est plus facile, c'est le lynx par exemple. Vous voyez, il n'y a aucune raison d'être contre le lynx, parce que le lynx a un taux d'accroissement extrêmement faible, un taux de mortalité sur la route assez important à vrai dire, et les attaques de lynx sont souvent très ponctuelles, les brebis sont croquées une par une, et là on peut se dire, ah ben, après tout on vit avec le sauvage, vive le lynx. Pour le loup en grande quantité, là, moi, je signe pas trop. Hein. Oui, oui, c'est pas la même des attaques ou une prédation de même nature, hein, finalement. Oui. Et puis, régionalement, on n'a pas encore le lynx sur nos massifs, on est plus sur les Vosges et Jura. Donc, mais bon, d'autres. Jean-Pierre, tu voulais intervenir. Moi, je voulais simplement dire, dans la Loire n'est pas un département où il y a beaucoup de brebis. Je veux dire, on est d'abord un département où il y a plutôt des bovins, mais un certain nombre de collègues, je vois en AMAP, il y a des éleveurs qui commencent à craindre, parce qu'ils font de l'élevage à l'extérieur. Bien sûr, et ils se disent, à partir du moment où les élevages, les troupeaux seront beaucoup plus protégés par des patous, par des grillages, voire des doubles grillages, il risque d'y avoir un retour des loups vers d'autres animaux. Vers d'autres animaux. Et c'est une vraie crainte de certains, certains paysans actuellement. Donc, en tout cas, c'est un sujet qu'il va falloir mettre sur la table. Et il n'est pas la profession agricole et le treuil prennent peut-être une initiative bientôt peut-être une table ronde, une rencontre à ce sujet. Sujet-là. Ce qui a déjà été amorcé. Mais effectivement, de nouvelles mesures de précaution à prendre, des filets, des chiens, voilà. Bon. Tout cela à suivre, ce sera un débat dans le débat. On survole un petit peu l'ensemble des thématiques. Assez vite, j'en suis désolé, mais juste sur le pastoralisme, je voulais revenir quand même dans le cadre de cette année internationale 2026, qu'il y aura une soirée débat ce lundi 27 avril à 21h au Méliès Jean Jaurès à Saint-Étienne. Ciné-débat autour du pastoralisme et autour du film Éleveur d'horizon, le pastoralisme à l'épreuve du temps, qui prend l'exemple du Massif central et notamment des 7 parcs naturels régionaux du Massif central qui sont regroupés au sein d'une association, il me semble, et qui d'ailleurs mène un plan pastoral territorial et qui concerne donc nos parcs régionaux, que ce soit le Pilat ou le Livradois Forêt. Et donc ce sera l'occasion d'une rencontre avec justement le Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes et sans doute aussi d'aborder ces questions, par exemple aussi d'élevage, qui pourraient être abordées au travers de ce documentaire et de ces rencontres de lundi soir. Et puis il y aura même une exposition pastoralisme et haute chaume dans les monts du Forêt. L'élevage façonne les monts du Forêt depuis l'époque romaine. C'est une expo qui va être visible tout cet été, du 14 juillet au 5 août, dans le Livradois Forêt. Donc, et une expo qui est même encore visible là jusqu'au 30 juin. C'est à l'écomusée des monts du Forêt, justement sur le travail de berger, estive, des vachères, un berger, évolution des pratiques, travail photographique. C'est une expo qui est visible jusqu'au 30 juin prochain. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Et on va terminer justement avec ces deux rencontres que vous proposez très prochainement, qui viennent se rajouter finalement à ce printemps dans le printemps, voire l'été, qui n'est pas dans le programme officiel, c'est ça, Jean-Pierre et Nicolas. Ce sont les nouveaux événements. On va commencer par peut-être Jean-Pierre, oui, cet événement-là qui va être proposé et on terminera. On va commencer par l'autre, parce que c'est en mai. On va faire le premier. On va faire le premier dans l'ordre. Ok, dans l'ordre chronologique alors. Alors le premier, c'est le 11 mai. Il s'agit de une réunion qu'on a appelée « Regards croisés ». C'est vrai que dans le printemps de l'agriculture paysanne, il y a beaucoup d'informations descendantes. Il y a de quoi apprendre des choses, mais il y a aussi des sujets sur lesquels notre avis n'est pas complètement fait. Et c'est le cas notamment sur l'énergie. Sujet compliqué s'il en est. Et on a organisé une réunion qu'on appelle « Regards croisés » entre la Confédération paysanne et les Shifters. Les Shifters, c'est l'équipe qui gravite autour de Jean-Marc Jancovici, le Shift Project, qui fait des travaux assez efficaces sur la question de la décarbonation, la réduction de la dépendance aux fossiles. Et ils ont pondu un document pour une agriculture bas carbone et résiliente et prospère. Et alors eux, ils sont super forts en calcul, c'est pas là-dessus qu'il faut les prendre. Les ordres de grandeur, les produits en croix, les courbes de croissance ou de décroissance, ils sont imprenables. Mais parfois, à travers des calculs très froids, on peut arriver à à des solutions qui, nous, Confédération Paysanne, ne nous conviennent pas. Et donc, ça va être l'occasion de frotter nos regards entre leur réalité mathématique et puis notre sensibilité plus sociale. Par exemple, moi, vous pouvez me démontrer que mathématiquement, il faut arrêter de mettre des vaches dans les prés et tout mettre dans les stabus et importer du soja. Ça a beau être une réalité mathématique, j'ai envie de gratter cette réalité parce que socialement, et puis d'un point de vue même de ce que j'ai envie de manger, ça ne me correspond pas. Et donc, ça va être une occasion d'échange, de débat et de convergence aussi hein, sur ces sujets. Donc, rappel du lieu horaire. Le 11 mai, 19h30, et ça sera au Treuil, à Chambœuf. Donc à Chambœuf. Très bien. Une autre proposition, cette fois au mois de juin. Alors au mois de juin, effectivement, alors on parlait tout à l'heure des engrais, on sait que le prix va augmenter prodigieusement, il va y avoir aussi des contraintes de livraison, quand on voit que le détroit d'Hormuz se bloque, il est possible aussi qu'il y ait moins de disponibilité dans les prochaines années, et donc se pose la question de la réutilisation, ce qui se fait depuis des milliers d'années, des urines et des matières fécales, notamment humaines, qui ont été utilisées historiquement dans l'agriculture sur toute la planète. Et donc on a donc un laboratoire national qui est lié aux Ponts et Chaussées, donc qui fait une étude depuis 10 ans qui s'appelle OCAPI sur justement l'utilisation ou la réutilisation comme une alternative aux engrais synthétiques pour l'agriculture. Et donc on va avoir, il y a un bouquin qui est sorti, donc qui a été écrit par Fabien Esculier, qui est le responsable de ce laboratoire national, qui vient de sortir un livre et qui sera présent le 17 juin en soirée à 19h au Treuil pour faire une conférence gratuite, bien sûr, sur une autre histoire des excréments, c'est-à-dire comment est-ce que ces excréments, plutôt que d'être considérés comme un problème, ils peuvent être reconsidérés comme une ressource importante pour l'agriculture. Et donc, ça sera suivi d'un temps de dédicace et d'un temps de petite restauration pour les personnes qui le souhaitent. Donc, les informations sur le site internet du Treuil aussi. Là aussi, pour ce rendez-vous du 17 juin. Ça me rappelle l'expérience de la Tinette stéphanoise aussi, Jean-Pierre. Qui sont co-organisateurs de cet événement. Et oui, voilà, qui est une association à Saint-Thé, hein, qui œuvre pour un assainissement écologiste, sobre, circulaire, et donc lutter contre le gaspillage de l'eau, des nutriments, et qui passe aussi par les excréments et les toilettes, donc. Voilà pour la Tinette. On vous renvoie sur le site du Treuil pour toutes les infos en détail de ce programme. Donc, vous l'avez entendu, hein, on n'est pas revenu en détail sur la programmation, mais on a élargi aux thématiques, hein, finalement. Ça se passe donc sur le treuil.fr et en plein de lieux jusqu'au 14 juin prochain, puisque l'événement se bouclera justement au Treuil, le tiers-lieu paysan situé chemin du Treuil, précisément à Chambœuf, avec un brunch paysan qui sera proposé. Toutes les infos de cette programmation sur le site dédié, donc letreuil.fr. Des rendez-vous sur les ondes de Radio Ondaine et de Radio Duo. Ce sera semaine prochaine, 8h, 12h, 19h, toute la semaine. Un retour sur le Vert de Terre Salon de l'Agriculture Paysanne 2025, le Forum de l'Eau 2025 également. Donc des interventions, des discussions, des tables rondes. On peut renvoyer en écoute également. Jean-Pierre, pour boucler, en beauté. L'agriculture paysanne a fait l'objet d'un podcast. On retrouve Nicolas, d'ailleurs, qui est intervenant au travers de... alors, je dis podcast, mais de projets sonores, audio. Cet objet-là, intitulé « Sans langue de paille ». Projet qu'on a entamé ensemble l'année dernière. Dans le cadre d'un partenariat et qui va être suivi avant l'été par deux nouveaux podcasts qui doivent sortir là aussi avec l'aide de Radio Dio. Ouais, avec deux thématiques un peu phares, hein, la question du prix de l'alimentaire, justement. Le premier sujet, très en gros, c'est est-ce que mon territoire nourrit, enfin, est-ce que l'agriculture nourrit mon territoire ? Donc là, on va avoir un focus Loire. Et le deuxième sujet, c'est les prix de l'alimentation et donc les prix de l'agriculture aussi. Voilà, donc une série de 3 épisodes, 2 prochains à venir, un premier qui vient d'être réalisé, Stéphane, l'année dernière, qu'on proposera semaine prochaine en rediffusion, qui est disponible à souhait, justement, on va vous renvoyer sur votre site letreuil.fr pour la mise en ligne et écoute de, justement, ce premier objet sonore, Sans langue de paille, très beau titre, ce qui me convient parfaitement, premier épisode qui, justement, revient sur qu'est-ce que l'agriculture paysanne. Ben voilà, on revient et on commence par le commencement, finalement. On boucle la boucle ainsi avec Nicolas qui intervient, porte-parole de la Confédération Paysanne. Il y a aussi Michel Jabrin, ingénieur agronome. Il y a Blandine Devray qui est paysanne également à Saint-Genès-Malifaux. Bref, voilà, n'hésitez pas à aller suivre et écouter donc ce projet-là. Eh bien, je crois qu'on en a terminé. Il est largement temps de boucler. Merci beaucoup. Merci. Mais on a profité de vos présences, justement. Merci Nicolas, bonne suite, bon courage surtout. Merci. Merci Jean-Pierre et bon printemps justement de l'agriculture paysanne et le programme à suivre. On termine donc ce programme définitivement avec une dernière proposition musicale. C'est une actualité en effet avec un album qui est attendu. On est impatient d'ailleurs de ce prochain album, 3 ans un peu loin de tout pour celui que l'on nomme Zedjun Pavarotti qui revient avec un titre et qui devrait être de retour avec un prochain album. Avec plaisir que retrouver ce premier titre-là disponible si Dieu fume. Ce sera en guise de générique de fin de ce programme. Mais à s'abstenir surtout. Mais si Dieu fume, qui sait. On termine là-dessus. Tout bon chez vous. Portez-vous très bien. Ciao, bye. The moon, me park life. Le feeling de mes 17 et du fric dans le jean. Tout ce chaos j'adore. Je méprise que les matadors. Dans mon esprit j'imagine une meilleure fin au film. Et moi je ne l'ai jamais. Elle écoute le hit machine. J'inviterai pendant Noël.